Si je voulais, je pourrais habiter n'importe où. Tu sais pourquoi je reste dans ce quartier? La disponibilité. Je veux rester au centre des choses. Parce que quand on est sur place, on peut régler tous les problèmes. Les emmerdes sont des cancers, il faut agir vite. Si tu laisses traîner, ça prend de l'ampleur et ça te tue. La mort peut tous nous touche, même sur un bon touche. Alors je cours avec la frousse avant qu'une balle me couche. Dans la brume, un corbeau je déplume pour écrire mène à la plume. Même si la mélodie est triste, PRD ce n'est que de la musique vice. Alors je repars avec la reconnaissance. 2013, je jette mon peur à dans les braises et je renais de mes cendres. Je vois bien que le temps qui défile, au diable j'ai pas un coup de fil. Je me jette très bien dans le vide, soit c'est accroché par les fils. Prêt à voler mes propres ailes, j'ai B2L. Je suis tombé sur la terre, génération 88. J'aurais préféré tomber sur la tête. Comment veux-tu tous les sauver? À mon avis, t'es pas les ténèbres, frère. Avec les pas la lumière, non, je préfère comme je t'ai par la fenêtre. Tous malades de cette arme d'argent. Si de savoir d'une arme, je serai là à mon argent. Marre de combattre dans l'arène, mais sur l'argent. Comment ne pas voir le chaos qui règne? Quand tes femmes médiatisent, le diamant de sang, cadeau pour la reine. Si tu as ce qui en a fait, pire en la perne. Grabe la prod comme c'était plus la peine. Comme c'était la dernière avant de repurger ma peine. Avant de repurger ma peine. Tout le monde s'en fout, de plus en plus taxé sur le salaire. On respire un salaire, taxé jusqu'à la mort. Et les notes sortent, d'autres ont fini dollars pour une poignée de dollars. Un monde de fous, tout le monde s'en fout. De plus en plus taxé sur le salaire. On respire un salaire, taxé jusqu'à la mort. Et les notes sortent, d'autres ont fini dollars pour une poignée de dollars. Un pote un jour m'a appris, comme un 16 tu peux faire rêver les gens. M'a dit seul contre tous, faut rentrer dans la légende. Faire des textes de tuerie, avec la peine et l'élégance. Propager la propagande en panique, pire qu'un naufragé se balance sur du Titanic. En musique, c'est la vie ça, c'est comme si je retouais l'inspi. Dans mes rêves, ça t'en passe des coups d'aspi. Trop de questions, j'ai pas encore passé le coup de fil. Perdu dans la réalité, est-ce que je me casse le cœur composé? Ou est-ce que les gens vont m'écouter? Non, nos joueurs faut grailler, neuf ans sortent de la maille. Trop grande gueule, écoute ça ma gueule, vaut peut-être mieux parler en braille. Je m'en bats les coups des autres, je continue ma vie. Et du 70ème étage, je saute. Tous les jours en train de penser, comment choisir sa destinée quand au final, ça jette sous un train en plein lancé. Je réanime le rap en un mot, la mélodie des mots. Non, je garde un instant animaux comme Frolon, Potom, Folano. Musique jolie en vérité, c'est vrai que ça m'est venu à l'idée. Aujourd'hui, père, j'ai l'impression de piquer le taf de Johnny Hallyday. Et même à l'ouest, je perds pas le nord. JB2Z rap toujours sans remords, comme I2Z. Moitié vivant et mort, je suis pas déçu. Si la zig tue sur l'instru, l'ange déchu, c'est que c'est juste un putain de surplus. Je kiffe, c'est mort comme si je revenais des morts. Rêver, c'est comme si je revenais de parler. A plus de 10 millions de morts, à plus de 10 millions de morts de 2013. Z ma gueule, un ange en fit mais avec Lucifer.